Même ça, c'est pas bon. Tu n'es plus un veau. Jose, tu n'es plus un veau. Tu ne dois plus boire de lait de ta vache, de ta mère. Très mauvais pour les intestins. Du soja. Je fais des percus avec la bouche.